vous êtes bien conscient, les professeurs incitent à rentrer dans les classes prépa, les élèves eux-mêmes quand ils ont le niveau. Je veux dire, quel est le pourcentage d'élèves à qui on donne la possibilité d'entrer dans une classe prépa et qui dit non, je vais à l'université? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il est extrêmement faible. Voilà, je ne vois pas comment on pourrait nier ce type de réalité. C'est sur quoi j'essaie de mettre le doigt en disant, au fond, vous dites comme elle, même si je ne suis pas dupe, c'est que votre livre peut être lu comme un livre d'accompagnement des réformes parce qu'il ne prend pas en charge sa place au sein du discours idéologique actuel. Voilà, c'est juste ça que j'ai à vous dire. Il ne la prend pas en charge. Et ça n'est ni un texte d'analyse sociologique du système universitaire, comme ce qu'on peut lire, comme ce qu'on a lu, ce dont on s'est servi pendant la lutte en 2009, ni un texte, ni un tract syndical. C'est un manifeste entre les deux. Et c'est précisément le problème. C'est ça que je voulais pointer, en fait. Simplement un mot là-dessus, parce que je n'ai pas répondu sur les faiblesses du livre. Mais moi, ce n'est pas ça que je voulais dire. Non, mais je les concède très volontiers. Je veux dire, bon, c'est un livre d'intervention qui est fait de façon rapide et qui, effectivement, a un objectif, je dirais, d'agir sur le débat politique et technocratique. Et sans illusion sur la capacité, effectivement, à agir sur l'actuel ministère. Autrement dit, on ne s'adresse pas à Mme Pécresse, c'est très clair. Non. On s'adresse à... Je ne sais pas si c'est si clair que ça. C'est ça, le problème. Ça, je peux vous le dire. L'auteur peut vous le dire. C'est-à-dire, nous n'avons absolument aucune illusion sur la politique universitaire actuelle. Nous ne nous adressons pas à Mme Pécresse. En revanche, nous nous adressons à ceux qui, éventuellement, pourront lui succéder. Parce qu'il faut bien dire que ça fait partie du problème en France, il y a une ignorance de l'université à droite comme à gauche, parce que les cadres politiques et administratifs français ne sont pas passés par l'université, l'ignorent quand ce n'est pas qu'ils la méprisent. Et donc, c'est vrai que, voilà, si vous voulez savoir à qui ça s'adresse, principalement à la technocratie du PS. C'est pour eux que c'est écrit, pas pour eux. Mais nous l'avions compris. Voilà, c'est comme ça, c'est dit.